Bonjour, ici Valérie Levé, Samuel Lauzon et Marianne Palardeau. Et c'est parti pour une heure de découverte scientifique avec Futur Simple. La saison hiver-printemps 2024 se termine cette semaine et c'est donc ce soir la toute dernière émission de Futur Simple, le temps de faire une pause estivale pour, nous l'espérons, vous revenir l'automne prochain. Alors pour cette dernière émission, il sera question de l'âge auquel les enfants entrent à l'école. Est-ce que cela a un effet sur la réussite scolaire? C'est ce que nous dirons à 18h30 Samuel et Marianne. Et pour le moment, eh bien, on part pour une toute autre direction, celle de l'archéologie. C'est une vaste discipline qui fait appel à de nombreuses spécialités, par exemple la métallurgie et la céramique. Alors, qu'est-ce que la métallurgie et la céramique ont à voir avec l'archéologie? C'est ce que nous allons voir avec deux archéologues, Louis-Olivier Lorty et Benoît Proux. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par faire connaissance, vous et vos spécialités. Donc, Louis-Olivier, vous êtes archéométallurgiste. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça fait un archéométallurgiste? Un archéométallurgiste, c'est un archéologue spécialisé dans l'étude des métaux et des débris qui sont associés à la production des métaux, les structures, tout ce qui est lié autant matériellement qu'avec les relations humaines à la production de métaux dans le passé. D'accord. Alors, même question. Benoît, vous êtes céramologue. Donc, qu'est-ce que c'est être la céramologie et qu'est-ce que ça fait un céramologue? La céramologie, tout simplement, c'est l'étude des poteries, des céramiques en archéologie. On parle de leur contexte, leur production, leur utilisation. C'est très large. On tend à se spécialiser davantage. Mm-hmm. Par exemple, moi, je suis pétrographe, donc j'étudie les lames minces de poterie pour déterminer leur composition. Donc, c'est une spécialité dans la céramologie, c'est encore une spécialité. Oui, la céramique, c'est tellement large qu'on va aller plus loin, toujours. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qui vous a amené là? Parce que l'un et l'autre, vous avez étudié en archéologie. Oui, moi, c'est un peu par hasard que je me suis dirigé vers l'archéométallurgie. Je voulais étudier les céramiques romaines quand j'étais au baccalauréat. Mais en commençant ma maîtrise, j'ai eu l'occasion de participer à des fontes expérimentales et ça m'a vraiment amené à voir tout ce qui agit autour de la production de métal, ça m'a vraiment intéressé. Mm-hmm. Benoît? Moi, j'ai toujours été intéressé par les technologies anciennes. Mm-hmm. Et c'est ça qui m'a amené d'abord à faire une maîtrise en archéologie expérimentale. Puis c'est pendant cette maîtrise-là qu'on a comme exploré plusieurs matériaux. Et après, j'ai eu une opportunité pour poursuivre, faire la céramique. Et c'était pour moi, je ne veux pas dire un prétexte, mais c'était un peu ça pour aller explorer plus loin la question justement des modes de fabrication. Comment ils s'y prenaient dans le temps avec les moyens du bord pour quand même fabriquer des objets quand même assez pointus, assez développés quand même. Oui, c'est ça. Puis comment ça fonctionne, ces traditions technologiques-là, ces manières de faire, comment ça... Donc, à travers la poterie, mm-hmm. moi, c'est ça qui m'intéressait le plus. Mm-hmm. D'accord. Alors, on parle d'archéologie, de métaux, de poterie... Nord de grandeur, quand remontent les premières traces de métaux, d'utilisation, de fabrication, donc d'objets en métaux ou en poterie? Ça doit remonter à pas mal de temps, j'imagine. Oui, commençons par la poterie, parce que c'est le plus vieux. Oui. Donc, je vais m'en tenir à ce qui est à la poterie, puis c'est-à-dire un récipient cuit. Parce que si on parle de céramique, c'est encore plus vieux, les premiers objets en La céramique est antérieure à la poterie? La céramique dans le sens de juste un... Je ne voudrais pas dire céramique, la terre cuite est antérieure à la poterie dans le sens d'un pot. Mais la poterie, la plus vieille au monde, à date, ça serait 22 000 ans avant aujourd'hui, dans une cave dans la région de Shaanxi en Chine. Mm-hmm. Mais si on veut faire une fourchette, les premiers à avoir utilisé de la poterie, c'est les peuples nomades justement de l'Asie, de la Russie orientale, entre 20 000 et 12 000 il y a 12 000 ans. En Proche-Orient, Europe, on parle plus de il y a 9 000 ans. En Amérique du Sud, 9 000 à 7 000 ans avant aujourd'hui. Donc, en Asie, ils avaient une bonne longueur d'avance. Oui, et c'est plein de ces places-là ne sont pas développées. C'est pas l'Asie en premier puis qui a amené. Ouais. Ça s'est développé séparément. Séparément. C'est ça qu'on pense le plus aujourd'hui, mais ça évolue, comme je vous dis. Si vous m'aviez posé la question il y a 5 ans, je ne vous aurais pas parlé de la cave en Chine. Non, c'est nouveau, ça. Exactement. On continue de faire des découvertes. Et pour les métaux, Louis-Olivier? Pour les métaux, en fait, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a deux points qu'on pourrait considérer le début. Parce qu'il y a des métaux natifs dans l'environnement, du fer météorique et du cuivre natif. Donc ça, quand on parle de métaux natifs, le cuivre, par exemple, les premières traces qu'on a, c'est au 9e ou 8e siècle avant notre ère, 8e millénaire. Oui. Des perles dans la grotte de Shang-Chi, de Shanidar, devrais-je dire. Et sinon, pour le fer, c'est 4000 ans avant notre ère. Mm-hmm. Mais lorsqu'on parle de métallurgie, donc de faire fondre du minerai pour faire du métal de façon consciente, pour le cuivre, on parle de 6000 ans avant notre ère en Serbie. Et pour le fer, c'est plutôt le 2e millénaire, mais là, il y a beaucoup d'endroits différents dans lesquels ça se développe en même temps ou dans les mêmes dates. L'Anatolie, le Caucase, le Proche-Orient, le sud de l'Inde, et de façon très intéressante et très récente, l'Afrique subsaharienne. Ah oui. Où à bien des endroits, il aurait fait au lieu de passer par le cuivre, comme on a fait, disons, en Europe, il serait passé directement de la pierre au fer, sans avoir le sorte de test run ou de d'essais qu'on peut avoir avec les cuivres. Et en Amérique du Nord, quand est-ce que la céramique et les métaux sont arrivés, la métallurgie sont arrivés? Au Québec, les premiers à avoir utilisé la poterie, c'est les peuples autochtones. On parle de l'époque du sylvicole inférieur, il y a 3000 ans. Mais en Amérique du Nord, un peu avant ça, parce que c'est des technologies qui sont venues du sud, donc des États-Unis qui sont montés, mais ici au Québec, on parle il y a 3000 ans pour les premières traces de poterie. Par contre, peut-être que j'ai pas les dernières informations, c'est pas nécessairement ma spécialité, comme on parlait de spécialité, mais c'est pas mal la date la plus acceptée. OK, là. OK. Pour les métaux, c'est en Amérique du Nord, il n'y a pas pour l'instant de preuves que les métaux ont été fondus avant l'arrivée des Européens, mais on peut toujours tomber, ça va toujours à la... Ouais. Qu'est-ce qu'il est possible de trouver? Les structures sont de façon notoire assez fragiles et le métal est recyclable à presque 90% dans la plupart des cas. Donc c'est possible que ça a été tout simplement retravaillé ou modifié. Mais ce qu'on s'entend pour dire, c'est que le cuivre natif dans les régions des Grands Lacs est travaillé et échangé à partir d'au moins 5000 à 4000 ans avant notre ère. Et ça, c'est des travaux par recuit et par martelage. Donc, on prend du fer natif qu'on fait chauffer, pas au point de fusion, mais juste assez pour le travailler. Pour le ramollir formes. Et puis pour... Exactement. Plus généralement, là, quand on trouve un artefact en métal ou en céramique, là, c'est une question vraiment vaste que je vous pose. Là, je sais pas comment vous allez faire pour y répondre aussi peu de temps. Mais comment on fait pour l'étudier? Quel type d'informations on peut en tirer sur les civilisations qui ont produit ces artefacts? Pour les métaux, évidemment, ça va dépendre du matériel dans lequel on étudie. C'est un objet en métal ou une scorie, qui est un débris de métallurgie, ou une céramique pyrotechnique associée à la production des métaux, ça va être des techniques différentes. Pour tout ce qui est céramique, je vais laisser Benoît répondre, parce que ça se ressemble énormément, ce qu'on peut faire avec une céramique métallurgique et une céramique non métallurgique. Mais pour les métaux et les débris, on va commencer par une analyse visuelle. Ensuite, on peut faire la microstructure du métal ou des débris. Donc, voir comment les cristaux se sont développés ou se sont refroidis. Ça nous indique sur le processus de cuisson, martelage? Tout ça ensemble, le visuel, les microstructures et la chimie, ça tout mélangé, ça va nous donner une meilleure idée de comment l'objet a été produit, ce qui est la réflexion des techniques employées, des matériaux employés, d'où le minerai provient. Ah oui. Toutes les informations, c'est ça, c'est une combinaison de techniques qui permet vraiment d'offrir la meilleure résolution de ce que nous, on peut voir en tant qu'archéologue. Et ensuite, on prend toutes ces informations qui sont spécifiques à un site et on peut ensuite faire des grands réseaux et discuter de comment le métal agit dans l'espace, comment les gens s'échangent, comment le métal change la perception des gens sur l'environnement, à des questions beaucoup plus vastes comme ça, en passant d'un site à une région ou un pays ou peu importe. Donc, autrement dit, c'est pas juste l'objet lui-même, mais c'est aussi comment il a été produit et tout ce que ça implique éventuellement comme échange avec les populations voisines. Exactement. On parle toujours d'un objet et on peut faire dire énormément de choses avec toutes les données géochimiques. C'est pareil pour la céramique, Benoît? Oui, c'est pareil. C'est... on parle la céramique, cette particularité, que c'est, on peut dire que c'est le pain et le beurre de l'archéologie. C'est un des matériaux qui est le plus fréquemment trouvé. Donc, on, ben, pour les périodes qui en produisent. Mais donc, on l'utilise pour beaucoup de choses. Le plus fréquent, ça va être pour la datation d'un site ou sa filiation avec une culture ou une tradition. Mais, ou encore l'alimentation, donc, qu'est-ce qu'il y avait dedans, qu'est-ce qu'on faisait avec cette poterie-là. Donc, on peut parler de l'usage d'un site à partir de la poterie qui est trouvée. Ça, c'est les choses les plus courantes. Et après, ben, on peut se spécialiser, comme j'ai fait, pour aller parler de choses plus précises. Comme par exemple, avec la pétrographie céramique, qui est ma spécialité, on va parler beaucoup de provenance. Donc, on va aller voir c'est quoi les matériaux dans la poterie pour déterminer est-ce que ça a été fait localement, est-ce que ça a été importé, et si ça a été importé, ça vient de où. C'est-à-dire quel type de terre? Quel type de terre, quel type de minéraux qu'on retrouve? Peinture, si ça a été peint, il y a les pigments qui... Oui, c'est ça, il y a plein de choses. Les pigments, c'est encore plus précis qu'avec la pétrographie céramique. Mais oui, il y a plein de techniques comme ça qui vont nous permettre d'aller chercher une signature géologique ou chimique qui va nous permettre de dire d'où ça venait. Donc ça, c'est une chose. Ou encore, on va parler de mode de fabrication avec en regardant les traces de gestes qui ont été faits pour fabriquer la poterie, avec les objets qui sont connexes. Donc si on trouve des rebuts de production, si on trouve des objets liés avec la cuisson ou des choses comme ça. Ouais, c'est ça. Je me disais, c'est pas juste l'objet. Il y a peut-être des outils, des équipements. Il y a un four. Donc il y a tous ces objets-là. Je sais pas comment on les appelle. C'est des artefacts. Je sais pas. Oui, c'est des artefacts. Mais tout ça rentre dans la catégorie des artefacts. Ouais. D'accord. Et alors, une fois que quand vous déduisez à partir de ces artefacts, de ces observations au microscope, de la composition des objets en métaux ou en céramique, ça vous donne des indications sur la façon dont ces objets ont été produits. Est-ce qu'à votre tour, vous tentez de reproduire ces gestes anciens, de faire les mêmes techniques? Oui, l'archéologie expérimentale est très importante en archéométallurgie et en pétrographie céramique. Et c'est quelque chose qu'on a fait, nous, personnellement, et qui nous informe beaucoup sur... Pas seulement... Ça permet, oui, de déterminer si nos hypothèses sont plausibles ou pas. Évidemment, étant dans le passé, c'est impossible de savoir si c'est vraiment ça qu'ils ont fait. Mais ça nous donne une bonne indication si c'est faisable et plausible. Mais encore plus que ça, c'est l'archéologie expérimentale nous permet aussi de voir beaucoup plus... profondément, dans le sens de... avec une certaine profondeur historique, qu'est-ce que les gens qui ont fait ces techniques-là ont vécu et qu'est-ce qui était impliqué dans les processus que nous, on tente de reproduire, autant au niveau main-d'œuvre que matériel, l'effort, les dangers associés aussi. Mm-hmm. On a vécu beaucoup de problématiques avec le feu, évidemment. Ouais. Il n'y a rien tel que mettre la main à la pâte pour se rendre compte des défis et difficultés et éventuellement de trouver des solutions. Oui, ça nous permet de voir des choses qui sont vraiment abstraites, qui sont difficiles avec juste comme... Parce que c'est quand même terre-à-terre comme science, l'archéologie. On prend un objet, on le regarde, on l'analyse, on le mesure. Mais avec l'archéologie expérimentale, ben, on peut penser à des choses comme l'utilisation de l'espace ou la temporalité, comment ça prend de temps à faire les choses, ou les aspects plus sensoriels aussi de ces productions-là. Mm-hmm. Donc... c'est pas cartésien comme approche de ce qu'on fait en expérimental, dans le sens qu'on va essayer de voir, mettons, on fait un pot, ben qu'est-ce qu'on fait avec nos mains, qu'est-ce qu'on fait avec qu'est-ce qui est autour. Donc c'est vraiment un tout qui est laissé de côté parce que c'est pas possible de penser à ça nécessairement quand on fait notre quand on regarde un tesson de céramique tout seul comme ça, hors contexte. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret d'archéologie expérimentale que vous avez fait, donc de mettre la main à la pâte pour fabriquer quelque chose? Oui, ben nous, on a régulièrement fait des fontes de fer expérimentales. Ouais. donc avec du minerai. On a fait une à Saint-Alban il y a quelques années ici au Québec pour montrer avec les étudiants de l'Université Laval. Donc avec du minerai de fer qu'on est allé chercher à ArcelorMittal, qui était tout simplement un minerai accessible parce que les sources anciennes sont difficiles à trouver, et parfois protégées, parfois difficiles d'accès. Et on crée de toutes pièces un four. Donc là, ce minerai, en fait, c'est un caillou? Dans ce cas-ci, c'est un... il a été mis dans des grands barils qui permettent de faire des petites boules à peu près 1,5 cm de diamètre. Ouais. Et ça, c'est pour faciliter la fonte dans les fourneaux modernes. Okay. Mais nous, étant un fourneau ancien, c'est trop gros. Donc il faut qu'on le concasse. C'est la première étape un peu non archéologique parce que les gens... Il n'y aurait pas concassé ça comme ça, parce que ça aurait été des pierres beaucoup plus grandes. Mais ensuite, on crée un four avec des inclusions qui sont un peu comme ce que Benoît parlait tout à l'heure. Oui, c'est un four en terre cuite, c'est ça qui est utilisé pour... Donc c'est là que nos branches se recoupent, là, quand on parle de technologie pyrotechnique, donc poterie, verre, métallurgie, souvent il y a... Quand il vient le temps de faire la chose, de faire cuire la chose, ça se ressemble un peu. C'est beaucoup... C'est tous ces anciens arts-là, c'est beaucoup des techniques de gestion du feu. Donc, quand on est capable de faire de la céramique, c'est un moins gros pas de passer de la céramique au métal et au verre, parce qu'on sait déjà comment contrôler le feu, et surtout contrôler la céramique pour faire du feu plus fort. Si je peux m'exprimer un peu comme ça. Contrôler la céramique pour faire du feu plus fort. La céramique de base va craquer, va casser, va se briser, mais avec les inclusions, les bonnes inclusions placées au bon endroit. C'est quoi les inclusions? On parle de beaucoup de sable et de paille souvent, ou de je peux pas dire fumier, là, mais de bouse de vache ou des choses comme ça qui vont avoir beaucoup de fibres. Ça, mélangé avec l'argile, va faire qu'il va avoir une plus grande résistance au choc thermique ou au choc, même au choc, si je l'échappais. Là. Mais dans notre cas, c'est le choc thermique là, qui est le plus dangereux. Donc, c'est en ajoutant ces choses-là qu'on est capable de créer un four qui va résister à la chaleur et donc contenir la chaleur là où on veut qu'elle soit. Ah oui. c'est après avoir fait ces techniques-là pour rendre le four résistant à la chaleur et donc utilisable pour la métallurgie. Voilà, parce qu'on a besoin de chauffer plus fort pour la métallurgie. On a besoin de se rendre à 1100, 1200 degrés Celsius. Ouais. Mais le fer à ce moment-là n'est même pas fondu. À cette époque-là, ça crée, après 8 à 6 heures ou même plus, ça créait une grosse éponge de fer et de résidus, de débris, de toutes sortes, qu'il faut ensuite extraire et marteler avec un marteau et le recuire, le remarteler pour créer une base. Quelque chose d'extrêmement complexe que beaucoup de forgerons modernes n'ont pas nécessairement d'expérience en ça parce que c'est pas le même fer que le fer moderne. Mais il y en a beaucoup au Québec, des artisans qui ont cette... capacités-là qui en ont fait. Et c'est une toute autre bête à forger que du fer moderne parce qu'il y a des inclusions. Ça réagit un peu comme le bois, qu'on pourrait dire. Parce qu'il y a des fibres. Mais ça doit être quand même assez fascinant de voir le fer de voir le fer arriver là, quand on fond. Parce que c'est une roche au début, il y a une roche et puis il y a du fer dedans, mais il n'y a pas que du fer dans le minerai là. Exactement. Non, c'est très donc il faut sortir, il faut qu'en chauffant, on voit ce fer fondre et on le voit arriver finalement. Et après, il faut récupérer ces morceaux de fer fondu, il faut les assembler. Oui, les assembler, donc réduire cette masse de fer et d'impureté pour ensuite créer une barre et former une barre de fer utilisable. Ah oui. Il y a beaucoup de... on parle aussi de... symbologie, de symbolisme à travers tout ça. Il y a beaucoup de cultures que c'est associé à... la naissance. La naissance, à les femmes beaucoup, la pureté. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport au symbolisme de la fonte de fer dans beaucoup de cultures. Et du côté de la poterie, donc comment ça se passe? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même assez vaste aussi. Il y a plusieurs façons de faire de la poterie. Oui, puis il y a plusieurs façons de faire quand... avec la poterie, on a beaucoup d'aide de l'ethnographie. Donc, il y a beaucoup d'études ethnographiques qui ont été faites dans des populations qui produisent encore la poterie de manière plus traditionnelle, moins industrielle. Donc, souvent, on va partir de ça et de nos poteries à nous pour essayer de voir, OK, ben, là, on va essayer ça. Donc, on va reproduire des pots, on va reproduire des techniques pour voir si ça correspond avec ce qu'on a. Et pour ceux qui ont un peu plus de temps, comme j'ai déjà fait un four de potier. Ça, oui. C'est vraiment... C'est beaucoup. Ça a été une des fois que j'ai réalisé à quel point c'était beaucoup de travail faire de la poterie de manière traditionnelle, parce que le four lui-même... Il faut commencer par faire le four. Il faut beaucoup d'argile, il faut le faire cuire plusieurs fois, il faut le... Ah oui. Donc, ouais, c'est C'est des comme on dit tout à l'heure, ça nous permet de prendre conscience de choses qu'on n'avait pas pensé. Moi, le four, je l'avais vu dessiné dans un livre. J'avais dit, on va le refaire. J'en avais parlé à mon professeur. J'étais à la maîtrise à l'époque. Ça va être un beau projet. Mais c'était un beau projet, oui. Mais oui, donc... Mais ça nous a permis de mieux comprendre justement la gestion du feu, à quel point il faut bien connaître son four, les points chauds, oui. Bien gérer. Ah, si c'est trop chaud, les poteries commencent à exploser dans le four. C'est ça, il faut l'alimenter, donc il faut savoir l'alimenter pour maintenir, pour atteindre une certaine température et maintenir cette température le temps qu'il faut. Il ne faut pas qu'elle monte trop vite, il faut pas qu'elle descende trop vite. Voilà, donc c'est tout un savoir-faire et qui n'était pas forcément écrit, qui était transmis. Et là, donc, que vous devez tenter de retrouver. De deviner. Ouais. Qu'est-ce qui est, en peu de temps, là, il ne nous reste pas très très longtemps, malgré que j'aurais aimé continuer cette discussion. Est-ce qu'il y a un élément phare, un élément clé dans vos expériences, dans votre expérience d'archéologue qui vous a marqué, dont vous voudriez témoigner? Ben, c'est un site que j'ai visité. J'ai pas travaillé dessus, mais je trouve que ça représente bien ce qu'est le métal en archéologie. C'était les mines de cuivre historiques à Chypre. Mm-hmm. Et ils savent que c'est les endroits d'où le cuivre provient, mais tous les sites, ou presque, ont été complètement détruits alors que les siècles passaient et que les gens allaient miner plus de cuivre. Donc, c'est à la fois un site archéologique et un endroit qu'on peut voir à quel point que le besoin de fer a modifié le paysage, parce que la géographie est presque inversée autour de ces sites-là. Ah oui. On a un immense puits où, au fond, on voit l'eau teintée des oxydes de cuivre. Ah oui. Et autour, c'est maintenant plein de collines, mais en fait, c'est les débris de la mine qui ont été mis partout ailleurs. Et il y a tellement de cuivre dans cet endroit-là que quand il pleut, où la rosée du matin fait que le sol réagit avec l'eau et ça crée du sulfate de cuivre au sol, même des petits cristaux blancs, on dirait presque de la neige. Mais c'est assez incroyable de voir à quel point que la métallurgie peut changer le paysage. C'est ça, exactement. Ouais. Benoît? Moi, j'essaie de réfléchir à la question. Mon doctorat, j'ai étudié une poterie qui s'appelait le Handmade Bonishware. C'est une poterie qui arrive à la fin de l'âge du bronze dans toute la Méditerranée. Et on pense que ça viendrait probablement d'Italie du Sud. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une poterie qui est faite à la main, comme le nom l'indique. Faite à la main, c'est pour... Comparé à ce qu'on faisait, par exemple, chez les Mycéniens ou les Ménéens, on pourrait qualifier ça d'un peu plus rustique comme poterie. Mm-hmm. Mais la poterie a été produite telle quelle en plein d'endroits en Méditerranée, malgré la présence de poterie, je ne vais pas dire supérieure parce que ce n'est pas ça, mais plus raffinée, avec des techniques plus compliquées, avec des techniques plus avancées qu'on... On aurait dit plus avancé si on avait eu cette discussion-là il y a 30-40 ans. Ouais. Et c'est la première fois que quand j'ai commencé mon doctorat, que j'ai vraiment eu une preuve tangible que c'est pas parce qu'il y a des meilleures techniques qu'on va que c'est nécessairement ça qui va être fait. Il y a une question de tradition, il y a une question de... Nous, on fait ça comme ça, c'est notre manière de faire. Et persistance de méthodes persistance plus des simples pratiques. Peut-être oui. Plus facile à mettre en œuvre. Oui, et surtout une persistance des pratiques qui sont les tiennes. Oui. Parce que même si la technique de ton voisin est peut-être plus raffinée, plus compliquée, plus efficace, c'est pas toi. Cette réflexion-là m'a beaucoup marqué. C'est une réflexion très intéressante, surtout de aujourd'hui où on est hyper technologique. Est-ce qu'on peut ramener cette réflexion-là? C'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup à Louis-Olivier et Benoît donc, de nous avoir fait découvrir cet univers de l'archéométallurgie et de la céramologue. Je pense que je vais vous inviter à nouveau dans les prochaines années pour ça en parler plaisir. Encore, parce que je crois qu'on a fait juste effleurer le sujet, je crois. Oui, on peut parler de plein de choses. Donc, je rappelle Louis-Olivier Lorty, archéométallurgiste, et Benoît Proux, céramologue. Merci beaucoup à tous les deux. Et merci. Merci. Alors, on va faire une petite pause musicale sur ces KRL 89.1 et au retour, on se demande avec avec Samuel Lauzon et Marianne Falardeau si l'âge d'entrée à l'école a un effet sur la réussite scolaire. Avec ses idées couleur de brume et son espoir en bandoulière, il cherchait un peu de douceur à tapisser au fond de son cœur, au fond de son cœur. Avec la tête pleine d'hier, il ne savait plus, il ne savait pas comment rêver sans avoir peur, comment rêver sans se blesser. Lièvre. Le Festival de Québec Jazz en juin est de retour pour une sixième année du 20 au 30 juin. Pour tout savoir sur la programmation, découvrir la musique des artistes en vedette, écoutez Midi Jazz tous les jours de la semaine de midi à 14h. Des saveurs chez Héricot Chocolaterie Créative et Musée du Chocolat. Tous les mardis soirs de juin, de 18h à la fermeture, c'est le 2 pour 1 sur les glaces. Plus de 70 glaces artisanales, gelato, sorbet, yogourt et tofu glacé. Des gâteries glacées qui conviendra à tous les goûts. Héricot Chocolatier.com, 634 rue Saint-Jean, passion, saveur, plaisir.